Chapitre 28e. Le prince remonta 4 à 4 dans sa chambre, puis après avoir mis en place, sous bonne serrure bien fermée à clé, les feuilles de papier buvard, il se hâta de descendre dans la salle à manger. Il importait que sa présence fût constatée et que son retard à se mettre à table n'eût été que de quelques minutes. Plus tard, il amuserait à se servir pour le mieux de sa découverte. Pour le moment, il devait se montrer l'esprit libre et dispos, de manière à empêcher les soupçons de se porter sur lui. Il avait du reste un sujet tout près avec lequel il était assuré de provoquer la bonne humeur de la marquise, ainsi que de ses convives, sa propre coquetterie, dont Madame de Lucilière plaisantait souvent. « Avez-vous jamais vu le soleil se lever, mon cher prince ? » demanda-t-elle lorsqu'il se fut assis sur sa chaise. « C'est lui qui me fait toujours sa visite. Que vous ne lui rendez jamais ? Nos heures ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il m'a réveillé. De bonne heure, trop tard, puisque je me levais seulement quand la cloche a sonné. » « Alors comment avez-vous pu être prêt ?» demanda le prince de Kranitz, qui avait plus de légèreté dans les doigts que dans l'esprit et qui ne savait plaisanter qu'à coups de poing. Mais le prince Mazzazzoli prit en riant cette question un peu trop personnelle et se moqua lui-même très agréablement du beau noir de ses cheveux. Jamais il n'avait été de si belle humeur. Il tint tête à tout le monde et mit les rieurs de son côté. Il inventa même une théorie scientifique qui devait se graver dans la mémoire de ceux qui l'écoutaient et donner à ce déjeuner une date certaine. S'il se teignait les cheveux et la barbe, ce qu'il avouait sans difficulté, ce n'était point par coquetterie, comme l'en accusaient ceux qui le connaissaient mal. Coquet, lui, et pour qui, bon Dieu ? C'était simplement par raison de santé. En effet, de quoi mourons-nous quand nous atteignons la vieillesse ? De refroidissement. La chaleur nous abandonne, et avec elle, la vie. Quels sont les corps qui se refroidissent le plus vite et le plus facilement ? Chacun sait que ce sont ceux de couleur blanche, tandis que ceux de couleur noire gardent leur calorique, de là sa teinture. Là-dessus s'était engagée une discussion qui avait occupé tout le déjeuner. Si bien que le but du prince avait été atteint, on se souviendrait de ce déjeuner et de sa théorie, ce qu'il voulait. Tranquille sur le sort de ses feuilles de papier buvard, il ne se pressa pas de remonter à sa chambre après le déjeuner. À quoi bon ? Son intention n'était pas de faire immédiatement usage de ses feuilles. Au contraire, il voulait attendre et ne rien livrer au hasard. Et puis, il était curieux de voir comment Madame de Lucilière allait s'y prendre pour mettre ses lettres à la poste et quelles seraient ses précautions. Sous prétexte qu'elle l'avait tourmenté pendant le déjeuner et qu'elle lui devait une compensation pour les humiliations dont elle l'avait accablé, il s'attacha à elle et ne la quitta pas plus que son ombre. « Cela vous donnera une leçon, » disait-il en riant. « Une autre fois, vous ne vous moquerez plus de moi. » Jusqu'à une heure assez avancée de l'après-midi, Madame de Lucilière ne se montra pas gênée par cette surveillance. Mais alors, elle annonça l'intention de descendre au village. « Voulez-vous me permettre de vous accompagner ? » demanda le prince Mazzazzoli, très volontiers. Et elle prit le bras qu'il lui offrait, sans témoigner la moindre contrariété. C'était une visite au curé qui amenait la marquise au village, mais comme il s'agissait d'une chose intime, elle prit le prince de ne pas entrer au presbytère avec elle. « Voulez-vous m'attendre ici ? » dit-elle en lui abandonnant le bras. Il lui désigna un banc en pierre placé à l'ombre d'un tilleul qui fait le centre d'une petite place. À vrai dire, cette petite place est la grande place de Chalençon. C'est sur elle que se trouvent les deux monuments et les principaux établissements de la commune, l'église et la mairie, le presbytère, le bureau de poste et le café. Avec ce qu'il savait, le prince ne pouvait pas être dupe de la marquise. La visite au presbytère était un prétexte. La vraie raison était la visite à la poste. Aussi ne s'assied-il pas sous le banc que la marquise lui avait indiqué, mais se promena-t-il en long et en large devant la porte du presbytère. Son attente ne fut pas très longue. Au bout de 15 ou 20 minutes, Madame de Lucilière reparut. Il lui offrit son bras, qu'elle accepta sans observation. Comment ne parlait-elle pas de ses lettres ? Qu'en avait-elle fait ? C'était la question qu'il se posait en marchant, quand tout à coup, elle lui abandonna le bras. Déjà, ils étaient éloignés d'une centaine de pas de la poste. « Un oubli !» dit-elle, et elle se mit à courir vers les boîtes aux lettres. Cela avait été si vivement fait qu'elle avait franchi la moitié de la distance avant qu'il fût revenu de sa surprise. Il ne pouvait pas courir après elle. Et puis, à quoi bon ? Ne savait-il pas ce que ses lettres renfermaient ? N'en avait-il pas la copie dans sa chambre ? Alors plus que jamais, il s'applaudit de son idée, car il lui aurait été certainement impossible de se procurer ses lettres, qui de la poche de la marquise passait directement dans la boîte. Doucement, il alla au-devant de Madame de Lucilière et ils remontèrent au château en devisant amicalement. Le prince était enchanté des progrès que Carmelita faisait sous la direction de Lorenzo Beio. Elle devenait une vraie artiste. Malheureusement, elle allait sans doute être obligée de négliger la musique, peut-être même de l'abandonner entièrement. Et pourquoi donc? Il était question d'un mariage qui, très probablement, ne tarderait pas à se faire. Le prince eût voulu être plus explicite avec une amie telle que la marquise, mais par suite de circonstances particulières, il était obligé à une extrême discrétion. Au reste, la marquise serait la première informée de ce mariage qui paraissait assuré. Madame de Lucilière ne se permit qu'une seule question, bien qu'elle fût étrangement surprise par cette communication. Ce mariage réaliserait-il les désirs du prince? Il les dépasserait, superbe, splendide, digne de la beauté de Carmelita. Il y avait là de quoi occuper l'esprit de Madame de Lucilière et l'empêcher de penser à autre chose. Qui donc pouvait épouser Carmelita? Elle chercha curieusement, mais sans arriver à se fixer sur un nom d'une façon précise et définitive. Le prince attendit jusqu'au soir pour examiner ses feuilles de buvard. Et ce fut seulement quand il supposa que tout le monde était endormi dans le château qu'il se décida à ouvrir le meuble où il les avait serrés. La porte de sa chambre fermée à clé au verrou, la portière rabattue, les rideaux des fenêtres bien clos, il crut qu'il pouvait les atteindre sans danger. Car il n'avait pu regarder ses empreintes que d'un rapide coup d'œil. Et bien que de loin, elles eussent paru nettes et distinctes, il ignorait si elles pouvaient se lire facilement ou tout au moins clairement. Toute la question était là en effet. Il ne suffisait pas que le colonel vît que Madame de Lucilière avait écrit au duc de Mestosa, à Lord Ferguson, au prince Seratoff, car cela n'avait rien de bien extraordinaire. Il fallait qu'il lût ce qu'elle avait écrit. Avec des précautions infinies, il déplia les feuilles de papier rose et les regarda longuement. Les empreintes étaient parfaitement distinctes, au moins dans le bas de chaque lettre, car les premières lignes de l'encre avaient commencé à sécher lorsque la marquise les avait placées dans le buvard, étaient plus pâles et quelques mots même étaient mal formés. Mais ces empreintes étaient naturellement renversées, et il fallait les lire de droite à gauche. Cette opération simple et facile pour un typographe était au contraire fort embrouillée, pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de lire le caractère d'imprimerie. À regarder ces empreintes, on ne voyait tout d'abord qu'une sorte de gribouillis indéchiffrable. Mais si l'on prenait un petit miroir et si on le plaçait devant la feuille de papier en l'inclinant légèrement, les lettres, les mots, les lignes venaient aussitôt s'imprimer sur la face polie et l'on pouvait alors les lire couramment. Le même résultat était obtenu avec plus de netteté encore. Si l'on posait le miroir à plat sur une table, et si on l'exposait au-dessus de l'empreinte prise par le papier buvard. C'était la lettre elle-même qu'on avait devant les yeux. Ce fut ce moyen qu'employa le prince Mazzazzoli, et il fut stupéfait du succès qu'il obtint. Quelques mots, dans les premières lignes, étaient brouillés, ou plus justement frustes, comme disent les antiquaires en parlant des médailles usées, et cela parce que l'encre avait déjà séché, mais les dernières étaient d'une netteté parfaite. Ne voulant pas s'en tenir aux lettres du prince Seratoff et de Lord Ferguson qu'il connaissait, il chercha celle du duc de Mestosa, sur laquelle il avait braqué celle d'Ordiette trop tard, et il la lut avec la plus grande facilité, à l'exception des premières lignes. Mais ce qui avait été imprimé sur le buvard était plus que suffisant pour éclairer le colonel. Voici ce qu'il lut. « De vous voir vendredi comme je l'avais espéré. J'irai à Paris, il est vrai, mais je n'aurai pas une minute à moi. Me pardonnerez-vous? Je m'en flatte et ne veux pas croire que vous douterez un moment de la tendresse, faut-il dire, de l'amour de votre Henriette. » Comme si ce n'était pas assez, le prince chercha encore quelques découvertes nouvelles en promenant toutes les parties du buvard au-dessus de son miroir, mais il ne trouva rien, si ce n'est une variante au dernier couplet du serpent qui prouvait que Madame de Lucilière travaillait ses poésies et, bien que peu classique dans sa forme, suivait cependant les préceptes du sévère Boileau sous le polissage et le repolissage des vers. Mais ce n'était pas de vers ni de poésie qu'il avait souci pour l'heure présente. Son examen terminé, il serra de nouveau ses précieuses feuilles sous clé et se mit au lit pour réfléchir, la tête reposée, au parti qu'il devait adopter et au plan qu'il devait se tracer. Il était bien certain que la lecture de ces lettres allait amener une rupture entre le colonel et la marquise. Si aveugle que fût le colonel, ses yeux s'ouvriraient. Si épris qu'il pût être, il ne supporterait pas une pareille tromperie, et même c'était justement la puissance de son amour qui ferait la violence de son désespoir. À quoi ce désespoir l'entraînerait-il? C'était là ce qu'il fallait examiner et autant que possible prévoir. À l'égard de la marquise, cela n'inquiétait pas le prince. Il n'avait pas à s'occuper de ce que deviendrait Madame de Lucilière. C'était le colonel seul qui l'intéressait. Que ferait-il ? La question était d'une certaine gravité. Il pouvait quitter immédiatement Paris et retourner en Amérique. Il pouvait provoquer le prince Seratov, le duc de Mestosa, Lord Ferguson et se battre avec eux. Qu'il les tuât, c'était parfait, mais qu'il se fît tuer par eux, c'était ce qu'il ne fallait pas. Comment empêcher ce départ ? Comment prévenir ce duel ? C'était ce que le prince ne prévoyait pas. Et pendant quelques instants, il fut embarrassé de la puissance de l'arme que le hasard venait de lui mettre aux mains, se demandant comment il devait s'en servir sans s'exposer à se blesser lui-même. Cependant, il fallait se décider, et la situation, telle qu'elle se présentait, n'avait que deux issues, se servir de cette arme, si dangereuse qu'elle pût être, ou ne pas s'en servir. Cette dernière solution était impossible. N'avait-il donc cherché si ardemment un moyen d'action que pour le repousser lorsque la fortune le lui offrait ? Si le colonel quittait Paris, il fallait le suivre, voilà tout. S'il se battait, il fallait courir les chances de ce duel. Il pouvait tout aussi bien tuer ses adversaires qu'être tué par eux. Et puis tous les duels ne sont pas fatalement mortels. Enfin, il y avait bien des probabilités pour que ce duel n'eût pas lieu. Sous quel prétexte, pour quelle raison, le colonel provoquerait-il ses rivaux ? Il ne s'était pas conduit à son égard d'une façon déloyale. Il ne lui avait pas enlevé une maîtresse. C'était lui plutôt qui était venu se jeter à travers une situation établie. Il n'y avait donc pas à hésiter. Il fallait franchement employer cette arme et courir les chances qu'elle pouvait faire naître, les mauvaises comme les bonnes. Les bonnes, il fallait prendre ses précautions pour en profiter. Les mauvaises, il fallait autant que possible s'arranger pour s'en défendre et les neutraliser. Il n'y avait donc qu'à ne rien faire à l'étourdi, à la légère, avec imprudence, et il importait de ne frapper qu'après avoir choisi son heure et s'être assuré les meilleures conditions possibles. Rien ne pressait d'ailleurs, et ce n'était pas dans ce château, alors que le colonel n'avait que deux pas à faire pour courir chez sa maîtresse, qu'il fallait agir. Au contraire, il y avait tout avantage à attendre qu'une explication immédiate ne pût pas suivre la lecture de ses lettres, car avec une femme telle que la marquise, il y avait tout à craindre d'une explication. Elle avait parlé d'une absence de quelques jours qu'elle devait faire pour se rendre chez une de ses amies, à 30 lieues de Paris. Il fallait profiter de cette absence et envoyer le buvard quand elle ne serait pas là. Arrivé à ce point de son raisonnement, le prince Mazzazzoli n'alla pas plus loin pour ce soir-là. L'heure était venue de dormir. Il avait bien employé sa journée et le succès qu'il voyait prochain lui faisait un devoir de se ménager. Ce n'était pas le moment de s'échauffer le sang et de se donner la fièvre. Et il s'endormit en souriant. Depuis plus de 20 ans, il n'avait pas eu une pareille journée. Enfin, la veine lui revenait, il était temps. Le lendemain, prétextant des affaires importantes, il quitta Chalençon pour rentrer à Paris. Il avait besoin d'être seul et libre pour faire tous ses préparatifs. Dans son plan, il y avait deux points principaux, desquels découlait tout le reste. Le premier consistait à se procurer une somme d'argent suffisante pour quitter Paris et suivre le colonel, si celui-ci partait en voyage, comme cela était possible et même probable. Le second, non moins important, consistait à trouver un agent habile et sûr qui put organiser une surveillance autour du colonel et savoir où il allait. Pour un homme dans la position du prince, c'était là des difficultés qui eussent arrêté un esprit moins résolu, mais qui ne l'inquiétèrent point. Il fallait de l'argent, il en trouverait n'importe comment. C'était la dernière mise à risquer sur un coup assuré, il la risquerait. Alors il se mit en chasse, avec le courage d'un homme décidé à ne rien négliger, à ne se laisser arrêter par rien pour réussir. Lorsqu'on en est là, on trouve en soi des ressources inespérées. Au bout de 2 jours, le prince était à la tête de 7 500 francs en argent. Le reste du musée, le mont-de-piété, les emprunts, les achats de marchandises neuves, tout avait été mis en œuvre. Maintenant, il pouvait agir. Alors, il avait été rendre visite à l'homme sur lequel il comptait pour surveiller le colonel, M. Max Profit, directeur de l'agence des familles, cette agence qui rendait tant de services en organisant, disait son prospectus, des surveillances particulières, nocturnes et diurnes, citadines et villageoises, qui permettent de savoir ce qu'on soupçonne ou même de concevoir des soupçons qu'on n'avait pas. En 2 mots, le prince Mazzazzoli avait mis M. Max Profit au courant de ce qu'il désirait. c'est-à-dire savoir d'une façon précise ce que monsieur le colonel Chamberlain ferait à partir du lundi suivant. Où il irait? Dût-on le suivre jusqu'au bout du monde sans le perdre de vue? Cela était possible, facile même. Seulement, bien que le système de l'agence des familles fût de n'exiger le paiement des honoraires qu'après le succès, son habitude était de demander une provision pour faire face à des dépenses pouvant être considérables. Max Profit demandait donc 3 000 francs. Assurément, il était plein de confiance dans le prince, mais les affaires étaient lourdes. Les paiements s'effectuaient mal, il avait beaucoup d'argent dehors, sans compter celui qui ne rentrerait jamais. On discuta longtemps et à la fin on tomba d'accord sur une somme de 1 000 francs en argent comptant. En précisant ainsi, l'agent paraissait avoir des doutes sur ce paiement comptant. Aussi laissa-t-il échapper une marque légère de surprise lorsque le prince, ouvrant son portefeuille, tira d'une liasse de billets de 500 francs qu'il déposa sur le bureau. « Ainsi, c'est bien entendu, » dit-il, « on suivra le colonel partout où il ira, et l'on m'avertira. » Les choses ainsi disposées, son agent faction devant la porte du colonel, Madame de Lucilière à 30 lieues de Paris, le moment était venu de frapper le grand coup. Pour cela, le moyen employé était des plus simples. C'était celui du baron Lazarus, une lettre anonyme. Seulement le prince, plus circonspect et plus économe que le baron, ne recourut point à un écrivain public. Grâce à l'éducation qu'il s'était donnée, il possédait deux genres d'écriture absolument dissemblables, une cursive, dont il se servait habituellement, et une bâtarde ronde, qu'il n'employait que dans certaines circonstances particulières et qu'on ne connaissait pas. Ce fut donc en bâtarde qu'il écrivit le billet suivant. Si vous voulez savoir quelles sont les relations qui existent entre Madame la Marquise de Lucilière et le duc de Mestosa, le prince Seratoff et Lord Ferguson, lisez les empreintes tracées sur le buvard 6 juin. Pour cela, exposez ces feuilles de papier buvard au-dessus du miroir et lisez dans le miroir même. Puis, après avoir placé ce billet et les feuilles de buvard dans une grande enveloppe qu'il ferma de 5 cachets en cire, il porta ce paquet à la grande poste et le chargea en donnant un faux nom. Cela fait, il rentra chez lui. Il n'avait plus qu'à attendre les résultats de cette combinaison.